scénariste Ndiko Manyanga. Alphonse Kougiman est de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à cette actualité dont voici d'abord l'essentiel. Début ce jeudi du retrait des enfants et personnes adultes mendiants de la rue dans les provinces de Bujumbura et Gitega. À Gitega, les commerçants du marché central indiquent que ce geste va diminuer le cas de banditisme au centre-ville de la capitale politique. Les victimes des inondations de Gatumba crient toujours à la construction d'une digue au bord de la rivière Rusizi pour limiter les dégâts au cours de la prochaine saison de pluie. La chef de zone Gatumba tranquillise que les travaux de construction de cette dernière sont prévus cet été. La récolte de différentes cultures de la saison culturelle C ne sera pas bonne dans la province de Bujumbura et c'est suite à l'approvisionnement tardif de l'engrais fomi. Les cultivateurs l'ont dit hier à Mutimbuzi au cours de la réunion d'évaluation de cette saison au siège de la commune Mutimbuzi. Bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a sorti un décret ce jeudi portant nomination de son nouveau porte-parole. Il s'agit de Diomède Nzeimana, qui sera aussi chef du bureau chargé de l'information et de la communication à la présidence de la République et nommé son adjoint, Madame Doriane Ndouimana. Plus de 200 personnes adultes qui font la mendicité à mairie de Bujumbura et à peu près 90 enfants en situation de rue ont été rassemblés au bureau spécial de recherche depuis le soir de ce mercredi, selon Félix Ngendabanyikwa, secrétaire permanent du ministère de la Solidarité. Cette activité a été organisée dans le but de lutter contre la mendicité des personnes adultes et la présence des enfants en situation de la rue. Il a signalé que ces enfants seront transférés vers les centres de réintégration sociale. Certains commerçants du marché central de Gitega sont satisfaits de la diminution des cas de vol suite à la mesure de retrait des rues des enfants et des adultes mendiants. Cependant, ils ont des doutes quant à la concrétisation de cette mesure. Le coordinateur de l'ONG Sojipaye, en même temps président de la commission provinciale de mise en œuvre de cette mesure, dit que parmi les stratégies qui vont permettre la réalisation de ce programme figure la surveillance de rue pour permettre de détecter celui qui retourne l'arrêter et le placer dans un centre d'écoute afin de l'aider. Les détails avec Arthur Kavaouch. Ce dont il est question sont les enfants en situation de rue et les adultes mendiants qui le font dans des lieux publics comme les restaurants et le marché central de Gitega dans la ville de Gitega. À notre passage dans ces lieux, aucune présence de ces enfants a signalé vu que le délai de 2 semaines qui leur avait été donné a pris fin ce mardi et que même la police surveillait ces endroits. Pour ce commerçant du marché de Gitega, ces enfants devraient être mis dans un endroit pour recevoir une éducation. Pour moi, cette mesure devrait être suivie à la lettre pour les éduquer et les surveiller du fait que même ceux qui sont amenés finissent par revenir vers les anciennes habitudes. En fait, ils sont comme des voleurs. Ils devraient être placés dans un centre et y recevoir une bonne éducation. Quant à cette femme vendeuse d'avocats, cette mesure a permis la réduction des cas de vol. Cette mesure de retrait des enfants dans les rues a diminué les cas de vol. Il y en a même ceux qui demandent du travail pour aider dans le transport des produits achetés, mais qui dévient en route. Cependant, malgré l'existence d'un centre d'accueil de ces enfants sur la colline Songa dans la province Gitega, la plupart s'évadent pour retourner dans la rue. Ladislas Nyongabo, coordinateur provincial de l'ONG Sojepay, en même temps président de la commission de mise en œuvre de cette mesure, tranquillise que les stratégies mises en œuvre dont la surveillance des rues, la mise en place d'un noyau collinaire qui comportera tous les acteurs en la matière et l'octroi d'un kit de démarrage d'une activité génératrice de revenus feront qu'il n'y ait aucun enfant qui retourne dans la rue. Mis à part cette mesure du ministère en charge de la solidarité de retirer les enfants dans les rues ainsi que les adultes mendiants, la province de Gitega avait tenté cela plus de deux fois sans succès. Arthur Kavaouchi Gitega, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal avec la page agriculture. Les ouvriers de la société Tanganyika Sugar Company qui travaillent dans les plantations de canne à sucre dans la Rukoko en commune Gianga ont assiégé ce jeudi les bureaux des responsables de cette société réclamant un salaire de deux mois d'arriéré. Il a fallu l'intervention des militaires pour libérer l'un des responsables qui était pris en otage selon les témoins sur place. Les responsables de la société Tanganyika Sugar Company reconnaissent ces arriérés de deux mois de salaire et ils précisent qu'ils sont en train de préparer le paiement qui va se faire samedi de cette semaine ou lundi au plus tard. Les cultivateurs de certaines communes de la province Bujumbura se lamentent et disent que les récoltes de la saison culturelle C ne seront pas bonnes puisqu'ils n'ont pas eu d'engrais à temps. C'est notamment les riziculteurs de Mutimbuzi, les cultivateurs de légumes, de maïs, de pommes de terre et autres des communes du bassin versant. À la direction provinciale de l'agriculture, on reconnaît le retard de l'engrais chimique qui est en train d'être donné actuellement. Mazara Hisha Daniel, le directeur de la DPAI Bujumbura, l'a dit ce mercredi à Mutimbuzi lors d'une réunion d'évaluation de la saison culturelle C. Les détails avec Space Caritas Kabanyana. Zachary Niyimbona était riziculteur de Kinyinya en commune Mutimbuzi. Il précise qu'il n'a jamais appliqué l'engrais chimique dans ses plantations de riz qu'il a repiquées à partir du mois de mai. Et dit qu'il risque de perdre jusqu'à deux tiers des récoltes. Ce riziculteur est l'un parmi beaucoup d'autres qui disent que l'engrais chimique qui est en train d'être distribué actuellement ne va servir à rien puisqu'il y a déjà un retard de deux mois. C'est par exemple les riziculteurs de Kinyinya, Rukaramu, Maramvia, Kirekura en commune et Mutimbuzi. Même l'engrais qui est actuellement disponible n'est pas suffisant, comme le déplorent ces riziculteurs. Le type est Totaza, très sollicité dans les plantations de riz, arrive en très petite quantité, ce qui est également confirmé par les responsables agricoles en commune Mutimbuzi. Même dans d'autres communes, c'est le même scénario. Les cultivateurs de légumes, de pommes de terre, de poivrons et de haricots de la commune Nyabiraba déplorent également le fait qu'ils n'ont pas eu d'engrais au moment du semis. Daniel Mazarahisha, directeur à la DPAE Bujumbura, reconnaît ce retard d'engrais chimique, mais il dit avoir conseillé ses cultivateurs d'utiliser la fumure organique là où c'est possible en attendant. Il a dit ce mercredi à Mutimbuzi lors d'une réunion d'évaluation des activités de la saison culturelle C. Space Caritas Kawanyana en commune Mutimbuzi pour la radio Isanganiro. De la province de Bujumbura, rendons-nous à Kayanza, où la disponibilité de fertilisants agro-minéraux en province de Kayanza en quantité estimée à plus de trois fois par rapport à la commande de la saison culturelle de l'année passée. Adeline Niansaba, directeur du bureau provincial en charge de la protection de l'environnement, l'agriculture et l'élevage en cette province met en garde des spéculateurs en matière de la vente de ces produits qui des sanctions qui s'imposent sont prévues à leur endroit. Les détails avec Patrick Saint-Guillaume. Les agriculteurs de la province Kayanza se disent satisfaits de la disponibilité des fertilisants organominéraux et en quantité suffisante également. D'après les données chiffrées fournies par le bureau provincial en charge de la protection de l'environnement, l'agriculture et l'élevage en province Kayanza, 1718,7 tonnes de fertilisants de type Imbura sont déjà disponibles, contre 1522,95 tonnes de Totahaza, 109,85 tonnes de Bagara et 1189,4 tonnes de Dolomie. Les agriculteurs se réjouissent de ces fertilisants, ce qui d'après eux leur permettra l'amélioration du rendement agricole pour cette saison culturelle. Bien que la situation se présente ainsi, au niveau de la Direction provinciale de la protection de l'environnement, l'agriculture et l'élevage à Kayanza, l'on s'inquiète que tous les bénéficiaires de ces fertilisants soient tous des agriculteurs. Adelan Nyonsaba, directeur, met en garde et quiconque sera accusé de spéculation dans la vente et de ses fertilisants, que des sanctions qui s'imposent sont prévues à son endroit. Même propos avec Rémi Tchicha, gouverneur de la province Kayanza, dans son allocution lors de la célébration de la 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganilo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Environnement à présent, les victimes des inondations au cours de la dernière saison des pluies en zone Gatumba, commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, s'inquiètent des eaux qui stagnent dans les maisons inoccupées. Même si ces eaux ont une tendance de baisser le niveau dans certains coins de la localité, au moment où ses habitants plaident pour une protection contre ces inondations, Hussein Naetwa, chef de zone Gatumba, tranquillise que des travaux de construction d'une digues sont prévus cet été. Les états avec Omer Ndouadjo. Les eaux qui stagnent toujours après les inondations des quartiers Mouchacha 1 et 2 continuent à reculer et sont à plus de 10 mètres. À considérer la surface infondée en période pluvieuse, la population de ces quartiers dit n'avoir aucune entrave de délocalisation au cas où le gouvernement prendrait cette initiative, bien qu'il faudra recommencer une nouvelle vie. Si on nous déplace vers un endroit sûr et favorable, ça serait mieux. Le problème est qu'ils peuvent nous placer dans un endroit auquel nous ne sommes pas habitués. Qu'on construise plutôt une digue pour freiner ces inondations. Personne ne peut rejeter le plan du gouvernement. S'il trouve nécessaire que nous quittons, nous allons le faire. Mais nous souhaitons rester ici si on nous construit une digue. Pour ces habitants, la solution durable serait la construction d'une digue pour contrecarrer les eaux qui ne cessent d'inonder leur quartier. Même les autorités de cette localité confirment que la digue sera construite, mais nous n'en sommes pas sûrs. Aucune activité a été déjà menée. Il vaudrait mieux construire cette digue pour nous protéger contre ces inondations. On a aperçu beaucoup d'eau l'année passée. Ça a commencé à baisser vers août. Contrairement à cette année, où la baisse a débuté au mois de juin. À propos, Hussein Nahetwa, chef de zone Gatumba, rassure sa population que cette digue sera bientôt érigée. Nous avons plaidé auprès du gouvernement du Burundi, même au bailleur qui aide le gouvernement, de nous construire une digue pour freiner les inondations qui s'observent chaque année de la rivière Rusizi. Je crois que bientôt le gouvernement va répondre favorablement, puisque nous avons été promis et nous comptons que pendant la saison sèche, les travaux vont débuter. Au sujet de délocalisation, le chef de zone Gatumba dit qu'il s'agit d'une question aux mains du Comité national de gestion des catastrophes. Les deux dernières années, les inondations ont toujours provoqué le déplacement de la population dans la zone Gatumba. Parlons élevage. À présent, les médecins vétérinaires sont insuffisants au Burundi, affirme le directeur général de l'élevage. Sur différentes collines et zones, les vétérinaires sont appuyés par des agents communautaires de santé animale. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi, Serge Nkurunziza a en outre précisé que bovins et caprins sont aujourd'hui chiffrés à plus de 4 millions de têtes, n'est-ce pas, Mary Kanyang? Le Burundi compte aujourd'hui un cheptel bovin chiffré à 800 000 et caprin de plus de 3 millions et des ovins de l'ordre de 300 000 selon le directeur général de l'agriculture. Cependant, le pays compte peu de médecins vétérinaires, bien qu'il y ait des techniciens dans toutes les communes épaulés par des agents communautaires de la santé animale. Effectivement, C'est-à-dire que le nombre de médecins vétérinaires dont nous disposons pour le moment n'est pas satisfaisant pour couvrir donc les besoins nationaux. Raison pour laquelle le gouvernement a déjà donné l'avis à ce que nous puissions faire une note montre donc l'existence aujourd'hui, c'est-à-dire l'état des lieux, avec donc les médecins nécessaires pour couvrir les besoins sanitaires dans tout le pays, au sein des provinces, et aussi comment ces médecins vont être formés, quitte à ce qu'on puisse avoir dans les jours à venir des médecins suffisants dans notre pays. Dans cette conférence de presse de ce mercredi, Serge Nkurunziza a en outre informé que la fièvre du Rift Valley est présente dans 13 provinces sur les 18. Pourquoi la vente et l'abattage n'est pas autorisée dans ces 5 provinces non encore touchées? Ce cadre du ministère ayant l'élevage dans ses attributions laisse entendre que cela propagerait la dite maladie. On a vu que si on laisse une zone quelconque, on interdit dans cette zone de ne pas abattre et qu'on donne la permission de la zone frontalière d'abattre, c'est-à-dire qu'il y a chaque fois le déplacement des animaux venant de la zone infectée vers la zone non infectée. Cette maladie a déjà emporté près de 630 vaches, chèvres et moutons. Merci Mireille Kanyang. La mesure de la vaccination contre les pizoutis dite fièvre de la vallée du Rift ne devrait pas être une urgence. Affirmation du docteur en santé animale et professeur à l'université du Burundi, docteur Jean Bosco Nilandekura, révèle qu'une bête déjà guérie de cette maladie développe un système immunitaire. Selon lui, l'urgence est l'identification des zones atteintes de l'épizootie et la sensibilisation à l'endroit des éleveurs sur la nécessité de prévention. Suivez Dr Jean Bosco Nilandekura. Le Burundi, c'est un petit pays où si jamais la maladie est notifiée au sud du pays, il ne nous coûte pas beaucoup de temps pour la remarquer, surtout en cas des épidémies, que ce soit au nord, à l'est ou à l'ouest du pays. Ce n'est pas comme les autres pays comme en Tanzanie ou au Kenya où une maladie peut surgir par exemple à l'ouest et que à ce moment-là, la maladie soit maîtrisée seulement dans les points d'entrée. La maladie de la fièvre de la vallée du Rift est un peu compliquée parce que même si nous sommes en train de remarquer des mortalités, des avortements ainsi que des hémorragies dans nos élevages, la mesure la plus urgente, ce n'est pas celle de la vaccination. Parce que, premièrement, la virémie, ça veut dire la présence du virus à l'intérieur de l'animal, la plupart des fois ne dépasse pas entre 7 et 15 jours, ça peut être 2 semaines. Ça veut dire que l'animal peut tomber malade et à un certain moment, s'il ne meurt pas, c'est-à-dire qu'il développe des anticorps de résistance ou bien de défense, ce qu'on appelle la résistance immunitaire. À ce moment-là, on ne peut pas vacciner ces animaux. Ou non plus, on ne peut pas vacciner dans les zones à risque, ça veut dire des zones qui sont infectées, parce que ces animaux sont déjà malades, donc on ne peut pas y ajouter d'autres problèmes. Donc, il faut urgentement faire ce qu'on appelle la cartographie de la maladie pour que l'on puisse bien évidencer quelles sont les zones à risque et quelles sont les zones qui ne le sont pas. Et à ce moment-là, l'on pourra déterminer dans quelles zones il faut vacciner ou pas, parce qu'on ne peut pas le faire sans avoir ces données qui sont combien primordiales. Si jamais l'on décide de faire la vaccination, il faut aussi qu'il y ait une discussion ou un débat qui est un peu scientifique sur le type et la nature du vaccin qu'il faut utiliser. On peut penser par exemple à l'usage d'un vaccin vivant et celui-ci a des conséquences combien énormes, surtout la plupart des fois où les pays où on les a utilisés, on a remarqué qu'il y a eu des avortements massifs et d'autres effets secondaires. Et si jamais on recourt aussi au type du vaccin qui est atténué, ça a des conséquences peu évidentes, mais son problème, c'est qu'il est lié à des rappels chaque 6 mois ou une année. Dernier dossier de ce journal, le pont reliant les communes de Rugombo et Mugui, coupé depuis 4 ans. Et qui est pour le moment en cours de réhabilitation permettra les échanges commerciaux entre les deux communes. Selon les utilisateurs de ce pont, l'administrateur de la commune Mugui affirme que les recettes sur la vente des produits vivriers également vont augmenter car les commerçants de Rugombo vont se ravitailler à Mugui. Les détails avec Alexine Dairagetch. Le pont sur la rivière Muhira, reliant les communes de Mugui et Rugombo, vient de passer 4 ans étant démoli. Pour le moment, ce pont est en train d'être réhabilité par l'entreprise SCC avec une grande force de la population, surtout de la commune Mugui. cette entreprise, faisant cette réhabilitation gratuitement. Les habitants de la commune de Mugui, bénéficiaires de ce pont, indiquent que les relations commerciales entre les communes de Mugui et le Gombo vont s'améliorer. Ils précisent bien que l'écoulement des produits vivriers seront facilités par ce pont. À part cela, ils affirment que le transfert des malades vers l'hôpital Chibitoke sera facile puisque l'ambulance passera par le pont sur la rivière Moira. L'administrateur de la commune de Mugui, Merkia Nzokizwanayo, indique que les échanges commerciaux seront facilités par ce pont. À part cela, les recettes sur les produits vivriers dans les communes de Mugui vont augmenter. L'administrateur Nzokizwanayo fait savoir également que les accidents des gens qui étaient emportés souvent sur ce pont tombant dans la rivière vont diminuer. À part cela, il affirme que l'ambulance aura accès sur la commune Mugui pour transporter les malades vers l'hôpital de Chibitoke. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganeo. C'est sur cette correspondance d'Alexis Ndairagije que se referme cette édition, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, je le rappelle que le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a sorti un décret ce jeudi portant nomination de son nouveau porte-parole. Il s'agit de Diomède Nzeyimana, qui sera aussi chef du bureau chargé de l'information et de la communication à la présidence de la République, et est nommé son adjoint Madame Doriane Munezero et non Nduimana, comme je vous le dis au début de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à Alphonse Kugimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikomanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous. Yeah.